comment les homosexuels sont entrés dans l'espace public. Les pratiques homosexuelles sont une dimension des activités sociales qui traversent toute l'histoire de l'humanité. Ce qui a changé au cours du temps, ce sont d'une part les discours publics concernant ces pratiques et d'autre part les comportements de celles et ceux qui étaient directement concernés. Dans le cas français, c'est au début de la Troisième République que le mot « homosexuel » a été introduit dans le langage courant. Une petite recherche dans la grande presse montre que l'année 1907 a été un tournant. Entre le mois d'octobre et le mois de décembre, les journaux ont multiplié les articles pour rendre compte de deux affaires ayant défrayé la chronique en Allemagne. Le général Moltke et le prince von Bülow, deux proches de l'empereur Guillaume II, ayant été accusés d'homosexualité, le scandale fut présenté comme une affaire politique dont il fallait absolument informer le public français. Même si le mot « homosexuel » ne fut guère employé dans la grande presse avant la Seconde Guerre mondiale, le plus souvent pour parler de l'Allemagne, c'est à la Belle Époque que la question des relations sexuelles entre personnes du même sexe commença à s'installer dans l'actualité. La principale raison de cette visibilité nouvelle dans l'espace public tient au formidable développement de la littérature imprimée qui s'est produit au cours des dernières décennies du XIXe siècle. L'application des lois de Jules Ferry sur la liberté de la presse et sur l'école ayant provoqué une explosion du nombre des journaux, les entrepreneurs de morale disposèrent de multiples canaux pour diffuser dans le grand public des articles sur des faits divers ou sur des scandales impliquant des homosexuels. En dehors des journalistes, ce sont les médecins qui jouèrent le rôle principal dans les discours présentant l'homosexualité comme un problème. Le combat des dirigeants républicains en faveur de la laïcité contribua à affaiblir l'influence des prêcheurs catholiques, mais ils furent remplacés par des experts qui présentaient l'homosexualité comme une maladie ou une perversion. Même si cela n'a pas mis fin aux multiples discriminations que subissaient les homosexuels, il faut pourtant noter que, sur le plan du droit, la France se distinguait alors par une relative tolérance. La Révolution française ayant mis fin à la criminalisation des relations entre individus du même sexe, au début de la Troisième République, il semble que les lieux homosexuels n'aient pas été plus harcelés que les autres par la police. La Belle Époque fut aussi un moment important pour la libéralisation des mœurs, ce qui favorisa l'émergence de nouveaux espaces à vocation sexuelle. On estime qu'il existait alors à Paris une centaine d'établissements fréquentés par des homosexuels concentrés dans quelques quartiers de la capitale, notamment du côté de la Bourse et du faubourg Montmartre. Fait nouveau, un certain nombre de ces établissements étaient spécifiquement, voire même exclusivement, homosexuels. Ce fut sans doute le point de départ du processus qui permit aux homosexuels de se regrouper progressivement en communautés pour défendre publiquement leurs droits.